Bonjour Natacha. Vous êtes l'auteur du blog Éco-Vert. Vos conseils pour bien commencer la journée? Alors, pour bien commencer la journée, je me réveille à 6 heures et je reste dans mon lit quelques minutes. Puis, je sors sur le balcon. J'aime regarder le ciel et écouter les oiseaux. Vers 7h moins le quart, je fais du sport. Et ensuite, je me douche. Vers 7h30, je prends mon petit déjeuner. Et comment bien terminer la journée? Après le dîner, je regarde une série ou un film avec mon mari. Je lis un peu aussi. Tous les soirs, j'écris dans un petit carnet mon moment préféré de la journée. Je ne regarde pas mon téléphone et je me couche. Je m'endors très vite.